Histoire de Jésus-Christ, par Monsieur l'abbé Jean-Jacques Bourassé. Livre 14, première section, Jésus à Gethsémanie. Au moment où Jésus, après avoir traversé le torrent de Cédron, se disposait à entrer dans le jardin de Gethsémanie, il dit à ses disciples, « Vous serez tous scandalisés cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le pasteur, et les brebis seront dispersées. Lorsque je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, s'écria, « Quand bien même tous les autres seraient scandalisés à cause de vous, moi je ne le serai jamais. Je te le dis en vérité, reprit Jésus, cette nuit même, avant le second chant du coq, tu m'auras renié trois fois. » À ces mots, Pierre répliqua avec vivacité, « Lors même qu'il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas. » Les autres disciples firent les mêmes protestations. Jésus alors, ainsi que les apôtres, entra dans le jardin, où il avait coutume de se retirer. Judas connaissait bien cette retraite. Aujourd'hui, après 18 siècles, un enclos de pierre s'échentoure le jardin de Gethsémanie, où végètent encore 8 oliviers, dont le tronc porte les signes d'une extrême vétusté. Si ces arbres ne sont pas contemporains de Jésus-Christ, ce que rien pourtant ne prouve, ce sont certainement leurs rejetons. Reposez-vous ici, dit Jésus, pendant que j'irai là-haut pour prier. Priez vous-même, afin de ne pas entrer en tentation. » Il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean, et bientôt il devint triste, et fut saisi d'une angoisse mortelle. « Mon âme, dit-il, est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il s'éloigna un peu, s'agenouilla, et tomba la face contre terre, priant, et disant, « Mon Père, si c'est possible, éloignez de moi ce calice, mais que votre volonté s'accomplisse, et non la mienne. » Il vint ensuite vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Simon, tu dors. Ainsi vous n'avez pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, de peur de tomber en tentation. L'esprit est vif, mais la chair est faible. » La première prière et l'agonie du Sauveur avaient déjà duré une heure. Jésus s'éloigna une seconde fois, et répéta la même prière, en disant, « Mon Père, si ce calice ne peut être éloigné de moi, que votre volonté soit faite. » Il vint de nouveau à ses apôtres, qu'il trouva plongé dans le sommeil, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Il les quitta encore, et se mit une troisième fois en prière, disant, « Mon Père, si vous le voulez, éloignez de moi ce calice, cependant que votre volonté s'accomplisse, et non la mienne. » Sa tristesse redoubla. Il tomba dans une agonie terrible, de sorte que la sueur ruisselait en gouttes de sang jusqu'à terre. Sa prière devint plus fervente. Alors un ange descendit du ciel pour le fortifier. Il retourna vers ses disciples, qui dormaient toujours, accablés eux-mêmes de tristesse. « Dormez maintenant, leur dit-il, et reposez-vous. C'est assez. L'heure approche, voici que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre n'est pas loin. » Il parlait encore, lorsque parut Judas Iscariote, un des 12, accompagné d'une foule armée de glaives et de bâtons. Cette troupe avait été envoyée par l'ordre des princes des prêtres, des scribes et des anciens du peuple. Le traître était convenu d'un signe avec eux. Celui, avait-il dit, que j'embrasserai, c'est lui. Prenez-le, et emmenez-le sous bonne garde. Judas, en effet, marchait en avant de cette cohorte, qui, outre les armes, portait des torches et des flambeaux. En arrivant, il se dirigea aussitôt vers Jésus, en disant, « Maître, je vous salue », et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, pourquoi es-tu venu ? Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser. » La troupe était restée dehors et entourait le jardin. Jésus connaissait tout ce qui devait lui arriver, il s'avança et dit, « Qui cherchez-vous ? » « Jésus de Nazareth, répondirent-ils. C'est moi, reprit Jésus. Judas se trouvait en ce moment au milieu d'eux. Dès que Jésus eut prononcé ces mots, ils reculèrent et tombèrent à la renverse. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » « Jésus de Nazareth, dirent-ils. « Je vous l'ai dit, répliqua Jésus. C'est moi. Mais, puisque c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci, ajouta-t-il en désignant ses apôtres. Il parlait ainsi pour accomplir cette parole de l'Écriture. Je n'ai perdu aucun de ceux que vous m'avez donnés. Alors les soldats s'approchèrent, mirent la main sur Jésus, et l'arrêtèrent. Voyant ce qui se passait, et où l'on en voulait venir, ceux qui entouraient Jésus s'écrièrent, « Seigneur, si nous frappions avec l'épée ?» Sans attendre la réponse, Pierre, qui avait une épée, la tira, et frappa aussitôt un serviteur du grand prêtre, auquel il coupa l'oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus. « N'allez pas plus loin, » dit Jésus. Et il guérit l'oreille du blessé en la touchant. Puis, se tournant vers Pierre, il lui commanda de remettre son épée dans le fourreau, en disant, « Tous ceux qui prennent le glaive, périront par le glaive. Ne faut-il pas que je boive le calice que mon Père me donne ? Crois-tu que si je prie mon Père, il ne m'enverrait pas sur le champ plus de 12 légions d'anges ? Mais alors comment s'accompliront les Écritures, puisqu'il doit en être ainsi ? S'adressant à la foule et aux princes des prêtres, aux scribes et aux anciens du peuple, accourus en hâte, Jésus leur dit, « Vous êtes venus me prendre armés de glaives et de bâtons, comme pour arrêter un voleur. Tous les jours j'étais assis au milieu de vous, enseignant dans le temple. Vous n'avez pas profité de cette occasion pour étendre la main sur moi et m'arrêter. Maintenant c'est votre heure, et celle où s'exerce la puissance des ténèbres. » Les choses se passaient ainsi pour l'entier accomplissement des prophéties. Tous les disciples, saisis de terreur, prirent la fuite et abandonnèrent leur maître. Section 2. Jésus chez Anne. Le tribun qui commandait la cohorte des soldats et les ministres juifs attachèrent Jésus et le conduisirent à la maison d'Anne, beau-père de Caïphe. C'était lui qui, dans le conseil, avait dit aux Juifs, « Il est expédiant qu'un seul meure pour tout le peuple. » Chemin faisant, ils mirent la main sur un jeune homme qui suivait par derrière, couvert seulement du drap dont il s'était enveloppé durant son sommeil. Mais celui-ci, rejetant ce léger vêtement, réussit ainsi à leur échapper. Simon-Pierre suivait de loin, en compagnie d'un autre disciple. Ce dernier était connu du grand prêtre, aussi put-il entrer avec Jésus dans la cour intérieure, tandis que Pierre resta dehors. Cependant le disciple qui était connu chez le grand prêtre dit un mot à la portière, et celle-ci laissa passer Simon-Pierre. La maison d'Anne était située sur la montagne de Sion, dans le quartier actuel des Arméniens. Anne n'avait ni le titre ni la juridiction de grand prêtre, mais l'histoire, qui le dépeint comme un homme plein de ruses et d'artifices, nous apprend qu'il exerçait une grande influence, non seulement sur l'esprit de son gendre, mais encore dans le conseil de la nation juive. À peine Pierre fut-il entré dans la maison d'Anne, que la portière lui dit « N'êtes-vous pas un des disciples de cet homme ?» Pierre affirma que non. Comme il faisait froid, on alluma un feu de charbon auquel se chauffaient les serviteurs et les ministres. Pierre se tenait avec eux pour se chauffer. Pendant ce temps-là, le pontife interrogea Jésus touchant ses disciples et touchant sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai enseigné publiquement devant tout le monde. J'ai prêché dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Qu'avez-vous besoin de m'interroger ? Demandez à ceux qui m'ont entendu quel a été mon langage. Ils savent bien ce que j'ai dit. » Là-dessus, un des valets qui se tenait près de Jésus lui donna un soufflet, en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au pontife ?» Jésus se contenta de lui dire, « Si j'ai mal parlé, prouvez-le. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous ?» Cette violence inouïe d'un valet en plein tribunal, et qui ne mérita aucune réprimande de la part du juge, nous donne une première idée de l'étrange procédure suivie en toute cette affaire. Chez les Juifs, précisément, la loi était très sévère pour ceux qui commettaient une pareille offense. Celui qui donnait un soufflet à un autre était passible d'une amende de 200 deniers, plus de 6 fois le prix de la trahison de Judas. Jamais, d'ailleurs, on n'ouvrait pendant la nuit les débats dans une cause capitale. Chez tous les peuples, l'accusé est respecté jusqu'à ce que la sentence soit prononcée. La législation judaïque se montre même plus favorable que les autres à l'égard de l'accusé. La preuve par le témoignage était admise avec réserve. Ici on va solliciter des témoins, on se mettra peu en peine de mettre d'accord les témoignages, on violera toutes les règles ordinaires de la légalité. Nous savons pourquoi, puisque nous connaissons le résultat de la délibération secrète prise naguère par les ennemis du Sauveur, à présent ses juges. Anne ne poussa pas plus loin son interrogatoire. Il renvoya Jésus, garrotté, par devant le tribunal de Caïphe. Section 3, il est conduit devant Caïphe et condamné. Ceux, donc, qui s'étaient emparés de Jésus le menèrent à la maison de Caïphe, où était réuni le conseil des princes, des prêtres, des scribes et des anciens du peuple. Pierre suivait à distance, et réussit à entrer dans la cour, où il se mit près du brasier devant lequel se chauffaient les gardes et les valets. Pierre désirait voir l'issue de cette affaire. Cependant, les princes des prêtres et les membres du conseil cherchaient un témoignage contre Jésus, afin de pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient aucun conforme à leur dessein, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Car les témoignages ne s'accordaient pas entre eux. À la fin, deux faux témoins s'avancèrent, et dire, cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir 3 jours après. D'autres s'exprimaient autrement, nous lui avons entendu dire, je renverserai ce temple fait de main d'homme, et, 3 jours après, j'en édifierai un qui ne sera pas fait de main d'homme. Ces témoignages n'avaient pas grande valeur. Jésus n'avait pas dit, « Je détruirai le temple », mais, « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai 3 jours après ». Ces paroles, d'ailleurs, ne suffisaient pas pour établir un crime capital. Les Juifs le savaient bien, aussi Jésus gardait-il le silence. Le conseil était déconcerté. Comment ? Dit le grand prêtre en s'avançant au milieu de l'assemblée, vous ne répondez rien au témoignage que l'on vient de porter contre vous. Jésus continua de se taire. L'embarras croissait. Ce moyen de preuve fut abandonné, et les témoins écartés. Caïphe alors eut recours à un autre système. Il reprit l'interrogatoire, et dit à Jésus d'un ton solennel, « Je vous adjure, au nom du Dieu vivant, de nous dire si vous êtes le Christ, Fils de Dieu. » À cette injonction, exprimée en termes aussi graves, Jésus répondit aussitôt, « Vous l'avez dit, je le suis. Mais, je vous le dis, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements, en s'écriant, « Qu'avons-nous besoin de témoins ? Vous l'avez entendu, il a blasphémé. Donnez vos voix. » Tous alors, n'attendant que cette question, répondirent, « Nous le condamnons, il mérite la mort. » Les Juifs avaient coutume de déchirer leurs vêtements lorsqu'ils entendaient prononcer un blasphème, pour témoigner l'horreur que leur inspirait ce crime contre Dieu. Cet usage cependant était bien tombé. Peu de personnes avaient assez de zèle pour déchirer leurs habits, et les jeter ensuite au rebut. Même en feignant la plus grande indignation, on faisait comme les juges et les témoins qui condamnèrent Saint-Étienne. En criant au blasphème, on se bouchait les oreilles pour n'être point obligé de déchirer ses vêtements. Section 4. Reniement de Pierre. Tandis que ces choses se passaient dans la maison du grand prêtre, une autre scène avait lieu dans la cour parmi les gens de basse condition qui la remplissaient. Pierre s'y trouvait au milieu d'eux. Une servante, l'ayant examiné avec curiosité, s'approcha, et lui dit, « Vous aussi, vous étiez avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia, en disant, « Je ne sais ce que vous voulez dire. » Les assistants lui adressèrent la même question. Pierre nia encore. Une autre servante, le voyant à la lumière, et le regardant avec attention, « Vraiment, dit-elle au voisin, c'est un des disciples de Jésus. Un des serviteurs, parent de Malchus, auquel Pierre avait coupé l'oreille, ajouta, « Ne vous ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» Les assistants continuèrent, « Vous êtes galiléen, votre accent l'indique assez, n'êtes-vous pas un des disciples ?» Pierre se mit à protester vivement en ces termes, « Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Quelle parole méprisante !» Il parlait encore, et Jésus lui jeta un regard. À l'instant même le coq chanta. Pierre se souvint de la prédiction de son maître, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Il sortit, et pleura amèrement. Section 5. Jésus est accablé de coups et d'outrages. À peine la sentence prononcée contre Jésus, les gardes et les valets commencèrent à l'accabler d'outrages et de coups. Les uns le frappaient au visage, les autres le souillaient de leur crachat, ajoutant l'insulte grossière au mauvais traitement. Ils lui jetèrent un voile sur la face. Puis ils le frappaient, en disant, « Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. » Aucun opprobre ne lui fut épargné. Pendant le reste de la nuit, la soldatesque et les valets se firent un cruel plaisir de la brave et d'humiliation. En aucun pays du monde la loi ne tolère à l'égard d'un condamné une pareille aggravation de la peine. Ici tout se réunit pour accabler une innocente victime. Les juges n'ont nul souci des traitements horribles sous lesquels elle succombe. Ses gardiens deviennent ses bourreaux. Dans la maison même du grand prêtre, toutes les atrocités que peut inventer l'imagination pervertie d'hommes abjects sont commises au milieu des risées, des plaisanteries et des blasphèmes. Section 6. Jésus devant le conseil. La réunion nocturne des juges qui avaient interrogé et condamné Jésus n'était pas nombreuse probablement. L'œuvre qui venait d'être accomplie n'avait pas autorité. Aussi dès le matin le conseil fut-il convoqué. Les princes des prêtres, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent en conseil. L'interrogatoire de la nuit avait suffisamment éclairé ceux qui l'avaient dirigé ou qui l'avaient entendu. Cette fois, on ne manda pas de témoins. On dit de suite à Jésus, « Si vous êtes le Christ, dites-le nous. » Il répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si je vous expose mes motifs, vous ne m'écouterez pas, et vous ne me délivrerez pas. Vous verrez un jour le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Vous êtes donc le Fils de Dieu ? Demandèrent-ils tous à la fois. Vous dites vous-même, répondit Jésus, que je le suis. Tous s'écrièrent de concert, qu'avons-nous besoin de témoignages ? N'avons-nous pas entendu les paroles qu'il vient de prononcer ? À ces mots, l'assemblée se leva. Jésus, toujours chargé de liens, fut mené vers Pilate, gouverneur de la Judée. Le Conseil national des Juifs ne possédait plus que de faibles lambeaux d'autorité. Les étrangers étaient maîtres, et ils exerçaient seuls les actes de la souveraineté. Ainsi le sceptre de Juda était brisé depuis plus d'un quart de siècle. Le gouverneur romain décidait seul des peines capitales. C'est pour cela que le Grand Conseil traduit Jésus devant le tribunal de Pilate, et va soutenir l'accusation pour laquelle il sollicite une sentence de mort. Le Romain ne partage point la haine de ces Juifs, que l'emportement conduit au crime. Voyons la suite de cette étrange procédure. Section 7. Désespoir de Judas. À celle d'Amas. Judas cependant, prévoyant le triste dénouement résultant de sa trahison, et sachant que le grand conseil avait déjà condamné Jésus, poussé par le remords, vint rapporter les 30 pièces d'argent aux princes des prêtres et aux anciens du peuple, disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ce cri de la conscience du traître aurait dû produire une impression de vive inquiétude sur l'esprit des juges. Le pacte infâme conclu à prix d'argent était dévoilé aux yeux du public. C'était, en outre, une dernière protestation en faveur de l'innocence. Les juges, avec une indifférence calculée, répondirent à Judas, « Que nous importe, cela te regarde ». En proie au désespoir, l'apôtre infidèle jeta l'argent dans le temple, et alla se pendre. Le corps du traître se rompit, en sorte que ses entrailles se répandirent jusqu'à terre. Les princes des prêtres ramassèrent l'argent, mais ils refusèrent de le mettre dans le trésor du temple, parce que, disaient-ils, c'est le prix du sang. Ils l'employèrent à l'achat du champ d'un potier, pour en faire le cimetière des étrangers. Ce lieu de sépulture fut depuis lors appelé à celle d'Amas, c'est-à-dire le champ du sang. Alors fut accomplie cette prophétie mémorable de Zacharie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, pris de celui qui a été vendu par les enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour acheter le champ d'un potier, comme le Seigneur me l'a commandé. Aujourd'hui encore on montre le champ du sang aux pèlerins qui visitent Jérusalem. Saint Jérôme, au IVe siècle de l'ère chrétienne, le connaissait. Les chevaliers de Saint Jean avaient coutume d'y ensevelir le corps des francs morts à Jérusalem. Les Arméniens ont enterré leurs morts jusqu'à ces derniers temps. Quand on remue le sol, on trouve quantité de fragments de poterie. On y reconnaît toujours le chant du sang. Section 8. Jésus devant Pilate. Il était encore matin quand les membres du conseil arrivèrent chez Pilate. Ils ne voulurent pas entrer dans le prétoire, de peur de contracter quelque souillure légale qui les empêcha de célébrer la fête de Pâques. Le gouverneur romain résidait habituellement à Césarée, à 2 journées de marche de Jérusalem, sur les bords de la mer, où le climat est plus agréable et plus sain qu'au milieu des montagnes de la Judée. Les Juifs eussent préféré, sans doute, y envoyer Jésus, en l'éloignant de Jérusalem pour le soustraire aux yeux du peuple, qui lui était favorable. Mais ordinairement le préteur, à l'époque des grandes fêtes, se transportait à la ville sainte, entouré de soldats, et dressait son tribunal dans le palais du gouvernement, au pied de la citadelle. Beaucoup de personnages considérables se rendaient à Jérusalem pour y passer la fête de Pâques, et Hérode, tétrarque de Galilée, n'y manquait pas. Il s'y trouvait cette année-là dans son palais, non loin de l'esplanade du temple. À l'arrivée du conseil, Pilate sortit, et s'avança de quelques pas vers les princes des prêtres, en leur disant, « De quel crime accusez-vous cet homme ?» Il paraît que l'officier romain ne leur fit pas accueil comme il s'y attendait, car ils répondirent d'un ton de mécontentement, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne vous l'aurions pas amené. » Pilate voyait bien qu'il s'agissait non d'un crime, mais de passion cachée sous le masque de la religion. « Prenez-le, vous autres, répondit-il, et jugez-le selon votre loi. » « Il ne nous est permis, reprirent-ils, de condamner personne à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole de Jésus, qui avait prédit de quel genre de mort il devait mourir. Chez les Juifs, en effet, les faux prophètes et les blasphémateurs étaient lapidés. Puisque les Juifs poursuivaient Jésus à ce double titre, ils auraient dû l'accabler de pierres, et non le déférer au tribunal d'un juge auquel ils allaient demander pour l'accuser un supplice affreux, réservé aux esclaves chez les Romains et les Carthaginois, et inusité chez les autres peuples. Les princes des prêtres se mirent alors à exposer leur chef d'accusation, en disant, « Nous l'avons surpris séduisant le peuple, empêchant de payer le tribut à César, et se disant le Christ roi. » Voilà donc la triple accusation soumise au jugement du gouverneur. Pilate alors rentra dans le prétoire, et Jésus comparut devant lui. « Êtes-vous le roi des Juifs ? » demanda le juge. « Dites-vous cela de vous-même ? » répondit Jésus, « ou l'avez-vous appris par d'autres ?» Cette expression « le Christ roi » avait chez les Israélites un sens mystique dont les étrangers avaient entendu parler vaguement, mais les Romains ne s'en préoccupaient guère. Aussi Pilate répliqua, « Est-ce que je suis juif, moi ? Les princes des prêtres vous ont amené devant mon tribunal. Qu'avez-vous fait ? » Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » S'il était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse point livré aux Juifs, mais mon royaume n'est point d'ici-bas. Vous êtes donc roi, reprit Pilate. Vous le dites, répondit Jésus, je suis roi. Je suis né et je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Demanda Pilate. Et sans attendre la réponse, il alla trouver les princes des prêtres et les autres juifs, et leur dit, « Je ne trouve cet homme coupable d'aucun crime. » Ceux-ci s'animèrent alors jusqu'à la fureur. Ils criaient, « Cet homme, agite le peuple par ses prédications dans toute la Judée et la Galilée. Ce dernier mot fut aussitôt saisi par le Romain, qui se hâta de demander si Jésus était galiléen. Apprenant qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à ce prince, qui se trouvait à Jérusalem pendant ses jours de solennité. Hérode fut sensible à cet acte du prêteur. Depuis ce jour, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Le Romain voulait se débarrasser d'une affaire pénible, où un innocent était poursuivi par des ennemis acharnés. Hérode fut satisfait de voir Jésus, car depuis longtemps il désirait vivement le voir, à cause de la renommée qui lui avait appris bien des choses, et parce qu'il souhaitait ardemment voir un miracle. Le tétrarque interrogea Jésus longuement, et lui adressa plusieurs questions, mais Jésus ne répondit rien. Les princes des prêtres et les scribes étaient là, continuant toujours leurs accusations. Déçu dans son attente, mécontent du silence qu'il ne put réussir à rompre, Hérode, avec sa cour, méprisa Jésus. En signe de dérision, il le revêtit d'une robe blanche, et le renvoya à Pilate, refusant, sans doute, d'exercer sa juridiction sur un territoire étranger, montrant assez, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas lieu de condamner un homme qui ne lui semblait nullement à craindre. Pilate, saisi de nouveau de cette affaire, convoqua les princes des prêtres, les scribes et le peuple, et leur dit « Vous m'avez présenté cet homme en l'accusant de soulever le peuple. Je l'ai interrogé en votre présence, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes que vous lui imputez. Hérode, auquel je vous ai renvoyé, en a jugé de même. Il n'y a donc en cet homme aucun fait qui mérite la mort. Je le renverrai, après l'avoir fait châtier. » Les princes des prêtres renouvelèrent toutes leurs accusations. Jésus gardait le silence. « N'entendez-vous pas, dit Pilate, les témoignages qu'il porte contre vous ? » Mais il continua de garder le silence. Pilate continua, « N'avez-vous rien à répondre ? Voyez combien d'accusations pèsent sur vous. » Jésus ne répondit rien, au grand étonnement du gouverneur. Section 9. Barabbas. Les Juifs demandent que Jésus soit crucifié. Le prêteur ne savait plus quel parti prendre. L'innocence de l'accusé était évidente. S'il n'avait pas le courage de prononcer son acquittement, serait-il assez méchant pour prononcer une condamnation à mort? Il voulut profiter de l'occasion de la fête pour faire demander par la multitude la délivrance de Jésus. C'était en effet la coutume, et en même temps une concession faite au peuple par les conquérants, de délivrer un prisonnier choisi par le peuple au jour de grande solennité. Il y avait pour lors, en prison un insigne voleur nommé Barabbas, lequel, en outre, s'était rendu coupable d'homicide dans une sédition. Pilate, s'adressant à la multitude, « C'est la coutume, dit-il, que je vous accorde la délivrance d'un prisonnier à Pâques. Lequel voulez-vous que je délivre, de Barabbas ou de Jésus, qui est appelé Christ? Voulez-vous que je délivre le roi des Juifs ?» Le prêteur parlait ainsi de manière à laisser entrevoir sa pensée, car il n'ignorait pas que les princes des prêtres avaient livré Jésus par jalousie. Au moment même où Pilate prononçait ces paroles, assis sur son tribunal, sa femme lui envoya dire « Ne vous mêlez point de ce qui concerne cet homme, juste, car j'ai été aujourd'hui étrangement tourmenté en songe à cause de lui. » Alors les princes des prêtres excitèrent vivement le peuple à demander l'élargissement de Barabbas et à faire périr Jésus. La foule céda à ces suggestions. Quand le président réitéra sa question, une immense clameur s'éleva pour demander Barabbas. « Que ferais-je donc de Jésus ?» dit Pilate. Un cri formidable lui répondit, « Qu'il soit crucifié !»« Quel mal a-t-il fait ?» répliqua le gouverneur. Un second cri, plus formidable que le premier, se fit entendre, « Crucifiez-le ! Crucifiez-le !» Voyant qu'il ne gagnait rien, et que le tumulte, au contraire, allait croissant, Pilate prit de l'eau, et se lava les mains en présence de la multitude, disant, « Je suis innocent du sang de cet homme juste, c'est votre affaire. » Tout le peuple, d'une seule voix, s'écria, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Pilate essaya encore de délivrer Jésus en haranguant la multitude, mais tous recommencèrent à crier, « Crucifiez-le ! Crucifiez-le !» Pour la troisième fois, le préteur leur dit, « Quel mal a-t-il fait ? Je ne le trouve coupable d'aucun crime qui mérite la mort. Je vais le renvoyer, après l'avoir fait flageller. » La tempête, loin de se calmer, devenait de plus en plus violente. Les cris étaient encore plus forts pour réclamer une sentence de mort. Section 10. Flagellation, condamnation. Le gouverneur romain n'avait pas encore cédé. Il résolut d'essayer un dernier moyen, celui de la commisération. Ce sentiment, d'ordinaire, est puissant sur le peuple. La vue de la souffrance et du sang l'émeut profondément. Pilate ordonna donc de flageller l'accusé. Le supplice de la flagellation était un des plus cruels qui fussent en usage chez les Romains. On se servait de lanières de cuir ou de cordes attachées à une espèce de manche. Et chaque lanière se terminait par un petit morceau de plomb ou de fer. Chaque coup faisait jaillir le sang, et déchirait horriblement le dos et les épaules, car le patient avait les mains liées, attaché lui-même à une petite colonne haute d'environ 50 cm. Non content de frapper la victime, les soldats ajoutèrent les insultes au cou. Ils lui mirent sur la tête une couronne d'épines, à la main un sceptre de roseau, et le couvrirent d'un manteau de pourpre. Puis, fléchissant le genou devant lui par dérision, il disait « Salut, roi des Juifs !» En même temps il lui donnait des soufflets, et le frappait avec le roseau. Pilate sortit de nouveau, et dit aux Juifs « Voici que je vous l'amène, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus parut donc portant une couronne d'épines et un manteau de pourpre. « Voilà l'homme, ecce homo, » dit Pilate. Ce spectacle aurait attendri les cœurs les plus durs, s'il avait été animé du moindre sentiment d'humanité. Les princes des prêtres et leurs serviteurs recommencèrent à crier, « Crucifiez-le, crucifiez-le !» « Eh bien, » reprit Pilate, « prenez-le vous-même, et crucifiez-le. Pour moi, je ne le reconnais coupable d'aucun crime. Nous avons notre loi, répliquèrent les Juifs, et, suivant cette loi, il a mérité la mort, car il s'est appelé fils de Dieu. Quand Pilate eut entendu ces paroles, son embarras et ses appréhensions augmentèrent. Il rentra dans le prétoire, et dit à Jésus, « D'où êtes-vous ? » Celui-ci ne répondit pas. « Vous ne me dites rien, » reprit le juge. « Ignorez-vous que j'ai le pouvoir de vous faire crucifier ou de vous relâcher ? Vous n'auriez aucun pouvoir sur moi, » dit Jésus, « s'il ne vous avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à vous est plus coupable que vous. » À partir de ce moment, Pilate était décidé à prononcer l'élargissement de l'accusé. Connaissant ses dispositions, les Juifs changent de tactique. Ils abandonnent leur premier grief. Leur loi n'est plus mise en avant, et ici apparaît la preuve de leur faux zèle. La conscience du prêteur se révolte. Pourquoi commettrait-il un crime inutile? On va s'adresser à son ambition et tâcher de l'effrayer d'une menace de dénonciation. Les Juifs se mirent donc à crier, « Si vous délivrez cet homme, vous n'êtes point ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Les Juifs avaient réussi. Entendant ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et établit son tribunal en un endroit appelé le Haut Pavé, en hébreu Gabata. Puis, s'adressant aux Juifs d'un ton ironique, qui était en même temps un reproche de leur mauvaise foi, il leur dit, « Voici votre roi. » Les Juifs crièrent, « Prenez-le, prenez-le, crucifiez-le. » « Est-ce que je crucifierai votre roi ?» reprit Pilate. « Nous n'avons pas d'autre roi que César, » répondirent les princes des prêtres. À une telle protestation des premiers dignitaires de la nation et des représentants naturels des traditions religieuses et politiques des Israélites, il est facile, même aux Juifs modernes les plus obstinés, de reconnaître le terme de la fameuse prophétie de Jacob. Le désiré des nations a dû paraître. Judas a perdu le sceptre. La rédemption va s'accomplir. C'était vers la sixième heure du jour, la veille du sabbat, un vendredi, que ce grand drame se passait à Jérusalem. Désireux d'être agréable à la multitude, suivant une faiblesse fatale dans tous les temps, Pilate prononça d'abord la délivrance d'un homme coupable du crime d'homicide, d'un séditieux et d'un voleur. Barabbas fut rendu à la liberté, puisque le peuple l'avait réclamé. Quant à Jésus, dont l'innocence avait été reconnue et proclamée à plusieurs reprises, le juge l'abandonna aux Juifs, selon leur volonté, pour qu'il fût crucifié. Section 11. Jésus monte au calvaire, il est crucifié. Ainsi fut arraché à un juge faible, par peur et par politique, la condamnation d'un innocent. Ainsi s'accomplit la prédiction de Jésus sur le chemin de la Galilée à Jérusalem, dans le pays d'Éphraïm, quand il disait à ses apôtres, le Fils de l'homme sera livré aux païens, outragé et mis en croix. La sentence fut rendue vers 11 heures du matin. Aussitôt les soldats, avec la grossièreté habituelle à cette époque chez les gens de guerre, recommencèrent les insultes dont ils avaient déjà rassasié Jésus. Après avoir épuisé les coups, les injures, les moqueries, ils lui ôtèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Aussitôt ils le traînèrent dehors, et le conduisirent au lieu du supplice. Jésus se mit en marche, chargé du bois de sa croix, se dirigeant vers le calvaire, en hébreu Golgotha. Deux malfaiteurs, condamnés au même genre de mort, devaient être exécutés en même temps. En suivant la voie douloureuse, épuisé par la souffrance et la perte de son sang, Jésus succombait sous le poids de sa croix. Les soldats rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs et passait par là. Ils l'arrêtèrent, et le forcèrent de porter la croix de Jésus. C'était la coutume chez les Romains que le condamné portât l'instrument de son supplice. Quelques auteurs prétendent qu'il s'agissait ordinairement, pour le patient, de porter la traverse de la croix, et non l'arbre, qui était communément d'une grandeur considérable. Le funèbre cortège était ordinairement précédé d'un crieur public, proclamant les motifs de la condamnation, ou portant un écriteau sur lequel chacun pouvait lire les termes de la sentence. Pilate écrivit le titre qui devait être placé au haut de la croix. Il était conçu en ces termes: Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et en trois langues, c'est-à-dire en hébreu, en grec et en latin. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, ils en étaient mécontents. Les princes des prêtres en firent la remarque au gouverneur: n'écrivez pas « roi des Juifs », mais qu'il se dit le roi des Juifs. Pilate leur répondit sèchement: ce que j'ai écrit est écrit. Les deux malfaiteurs allaient en avant, Jésus suivait, accompagné d'une grande foule et de pieuses femmes qui pleuraient et se lamentaient. Jésus se tourna et dit: fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants, car viendront des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles et celles qui n'ont point eu d'enfants. Heureux le sein qui n'a point allaité. On dira alors aux montagnes: écrasez-nous, et aux collines: couvrez-nous. Dans cette marche pénible, Jésus semble oublier ses douleurs et ne pense qu'à la ruine prochaine de Jérusalem, de cette ville coupable qui repousse et tue les prophètes. Durant les derniers assauts qui précédèrent la prise de Jérusalem, des milliers d'infortunés qui avaient cherché leur salut dans des souterrains profonds furent ensevelis sous les ruines. Ce ne furent pas cependant les plus à plaindre. Combien de malheureux, tristes jouets des vainqueurs, vendus en esclavage, traînés partout comme le rebut du genre humain, eussent souhaité de trouver un tombeau sous les débris de leur patrie. Ce fut en ce moment qu'une pieuse femme, suivant une tradition respectable, appelée Bérénice, quoique plus connue sous le nom de Véronique, s'avança vers Jésus d'un air compatissant et lui essuya le visage inondé de sueur et de sang. L'empreinte de la face du Sauveur y resta marquée. Une autre tradition non moins digne de foi nous apprend que Jésus tomba plusieurs fois le long de la voie douloureuse, depuis le prétoire jusqu'au calvaire. Puisque nous avons mentionné ces deux anciennes traditions, nous ne devons pas en omettre une autre non moins pieuse ni moins ancienne. Marie, mère de Jésus, se tenait non loin du prétoire tandis que les Juifs demandaient à grands cris le sang de l'innocente victime. Quoi de plus naturel pour une mère? Aussi la voyons-nous quelques instants plus tard au pied de la croix. À peine sorti du tribunal, Jésus aperçut sa mère et lui fit un salut respectueux en passant. La Vierge tomba comme demi-morte. En cet endroit, les chrétiens érigèrent dans la suite un sanctuaire sous le titre de Notre-Dame des Douleurs. Haute de la rue suivie par le lugubre convoi, s'ouvrait la porte judiciaire, qui donnait sur le Golgotha ou la place des exécutions. Arrivés au calvaire, les soldats offrirent à Jésus comme boisson du vin mêlé de myrrhe, mais, lorsque Jésus en eut goûté, il refusa d'en boire. Ensuite ils le dépouillèrent de ses vêtements, et le crucifièrent en lui enfonçant de gros clous dans les mains et dans les pieds. Ils plantèrent sa croix entre celle des deux voleurs, afin que cette parole de l'Écriture fût accomplie: il a été mis au rang des scélérats. Pendant ce temps-là, Jésus disait: mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Après avoir crucifié Jésus, les soldats, par suite d'un usage peu honorable, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Mais, comme sa tunique était sans couture et d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, ils résolurent de ne point la couper et de la tirer au sort. Cette parole de l'Écriture fut ainsi accomplie: ils ont partagé mes vêtements entre eux, et ils ont tiré ma robe au sort. Note: les soldats, À cette époque, faisait l'office de bourreau, il se partageait les vêtements du supplicié. L'empereur Adrien abolit cette coutume, si peu digne de l'armée romaine. Après avoir terminé leur œuvre de bourreau, les soldats s'assirent pour garder les suppliciés. Section 12. Dernière parole de Jésus. Il expire. Jésus fut attaché en croix à la sixième heure du jour, c'est-à-dire à midi. La foule le regardait. Les princes des prêtres se moquaient de lui. Il a sauvé les autres, disait-il, qu'il se sauve maintenant lui-même, s'il est le Christ fils de Dieu. Les passants l'insultaient également, haussant les épaules, et branlant la tête, il disait, « Eh bien, toi qui détruis le temple de Dieu, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. » Les scribes et les anciens du peuple se joignaient aux princes des prêtres pour proférer de sanglantes railleries. Ils se disaient les uns aux autres que le Christ, roi d'Israël, descende maintenant de la croix, et nous croyons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre à présent, s'il veut, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Les soldats l'insultaient aussi. De même que l'un des malfaiteurs en croix, qui disait, « Si tu es le Christ, sauve-toi, et sauve-nous avec toi. » L'autre malfaiteur reprit son compagnon d'infortune, en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, parce que tu es condamné au même supplice ? Pour nous, nous avons été condamnés avec justice, et nous souffrons la peine due à nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis, s'adressant à Jésus, il ajouta, « Seigneur, souvenez-vous de moi, lorsque vous serez arrivé dans votre royaume. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras en paradis avec moi. » La croix n'était pas entourée seulement d'hommes au cœur d'airain. Non loin, se tenait debout Marie mère de Jésus, Marie belle-sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, Marie Madeleine, et plusieurs autres. Apercevant sa mère à côté du disciple bien-aimé, il lui dit, « Femme, voilà votre fils. » S'adressant ensuite à Jean, le disciple préféré, il ajouta, « Voici votre mère. » Depuis ce moment, le disciple la traita comme sa mère, et la reçut chez lui. Note. D'après une tradition reposant sur le témoignage d'Évode, disciple de Saint-Pierre, la Sainte Vierge Marie était alors âgée d'environ 48 ans, et Saint-Jean avait 24 ans. Cep. Vie de notre Seigneur Jésus-Christ, tome 2, page 185. Ces grands événements, les plus extraordinaires qui aient jamais étonné le monde, se passaient entre midi et 3 heures. Pendant tout ce temps-là, les ténèbres couvrirent la terre entière. Le soleil s'obscurcit, se voilant de plus en plus jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire jusqu'à 3 heures après midi. Alors Jésus jeta un grand cri, en disant, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Quelques-uns des assistants crurent qu'il invoquait Élie. D'autres dirent, « Attendons, pour voir si Élie viendra le secourir. » Jésus, sachant que tout est accompli, afin d'accomplir encore l'Écriture, dit, « J'ai soif. » Aussitôt on trempa une éponge dans un vase rempli de vinaigre, et on la mit au bout d'un roseau pour lui donner à boire. Lorsque Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est consommé. » Puis il ajouta d'une voix forte, « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » En prononçant ces paroles, il inclina la tête, et rendit le dernier soupir. Section 13, Témoignage du centurion et des gardes. Aussitôt le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Le centurion, qui se tenait debout vis-à-vis de Jésus, ayant vu comment il était mort en poussant un grand cri, et témoin du tremblement de terre, rendit gloire à Dieu, en disant, « Certainement cet homme était innocent, c'était vraiment le Fils de Dieu. » Les gardes, également témoins de tout ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une vive frayeur, « Vraiment, disaient-ils, c'était le Fils de Dieu. » La foule, qui s'était assemblée pour voir ce triste spectacle, se retira consternée. Chacun, en s'en allant, se frappait la poitrine. Non loin, se tenaient tous ceux qui connaissaient Jésus. Il y avait en outre plusieurs saintes femmes venues avec lui de la Galilée, et qui le servaient. Ces pieuses servantes de Jésus regardaient de là. On distinguait parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joseph, et Salomé, mère des fils de Zébédée. Il s'en trouvait beaucoup d'autres, que les circonstances présentes avaient décidé à monter à Jérusalem. Le corps de Jésus, soumis aux conditions ordinaires de l'humanité, venait de perdre la vie. Le calice des souffrances et des humiliations était épuisé jusqu'à la lie. Le plus grand mystère était consommé. L'âme du Sauveur descendit dans les limbes, pour annoncer la nouvelle de la délivrance aux âmes des justes qui s'y trouvaient détenues. Citation, Saint Pierre, Épître 1, chapitre 3, versets 18 et 19. L'heure de la rédemption était enfin venue pour le monde. Section 14 Ouverture du côté. Lorsque le soir fut arrivé, comme c'était la veille du sabbat, et que ce jour était très solennel, les Juifs prièrent Pilate de faire rompre les jambes des suppliciés, et de faire descendre les cadavres de la croix, afin qu'ils ne restassent pas exposés durant la journée du sabbat. Sur l'ordre qui leur fut donné, des soldats rompirent les jambes des deux larrons. Cette affreuse blessure devait ôter un reste de vie qui prolongeait quelquefois le supplice durant plusieurs jours d'agonie. Le bourreau, par une sorte de pitié, donnait parfois un coup de massue sur la poitrine pour amener aussitôt la mort. C'est ce qu'on appelait le coup de grâce. Quand les gardes vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui ouvrit le côté avec sa lance, et aussitôt il en coula de l'eau avec du sang. Ces derniers faits étaient encore l'accomplissement de l'Écriture, « Vous ne briserez aucun de ses os ». Un autre passage ajoute, « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». L'écoulement du sang mêlé d'eau était un signe certain de mort. C'était aussi une image de la purification du genre humain, car, chez les Juifs, on aspergeait le peuple avec de l'eau et du sang pour le purifier. L'ouverture du côté du Sauveur est pleine de mystères. Les saints pères ne tarissent pas à ce sujet, quand ils parlent de la fécondité miraculeuse de l'Église, l'Ève nouvelle, et de la grâce des sacrements. Saint Jean, dans son évangile, insiste sur ce fait. Il nous affirme qu'il a été témoin de la blessure faite au côté, et que son témoignage est certain. L'apôtre Saint Jean, en effet, écrivait à une époque où certains hérétiques enseignaient que Jésus avait eu un corps céleste et sans réalité, et qu'il avait souffert la mort en apparence. D'un mot, l'évangéliste détruit leurs erreurs. « J'ai vu, dit-il, et personne ne peut infirmer mon témoignage. » Section 15, Jésus est descendu de la croix et enseveli. La soirée s'avançait, et le soleil était sur le point de se coucher, lorsque survint Joseph d'Arimathie, ainsi nommé d'une ville de Judée. C'était un homme considérable, riche, membre du Sénat de la nation, rempli de justice et de probité. Il n'avait point donné son consentement dans le Conseil des Anciens, et s'était opposé aux résolutions des autres. Il attendait le royaume de Dieu, et était disciple de Jésus, secrètement toutefois, par peur des Juifs. Joseph se présenta hardiment devant Pilate, et demanda l'autorisation de prendre le corps de Jésus. Étonné d'apprendre que Jésus fut déjà mort, Pilate manda le centurion, et l'interrogea sur la vérité du fait. Sur l'affirmation de l'officier, Pilate accorda la permission demandée. Nicodème vint aussi. C'était ce même homme qui, dès le commencement, était venu trouver Jésus pendant la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, du poids d'environ 100 livres, ou mieux, d'une valeur d'environ 100 livres d'argent. Ils descendirent donc le corps de la croix, le couvrirent d'aromates, l'enveloppèrent d'un suaire, et l'entourèrent de bandelettes, selon les coutumes usitées chez les Juifs pour la sépulture des morts. À l'endroit où Jésus fut crucifié, il y avait un jardin appartenant à Joseph d'Arimathie. Celui-ci avait fait creuser dans le roc un sépulcre, où personne encore n'avait été déposé. Joseph et Nicodème se hâtèrent d'y placer le corps de Jésus, car les étoiles allaient bientôt paraître au firmament, et, dès qu'elles brillaient, le sabbat commençait. Joseph ferma l'entrée du sépulcre en y roulant une grosse pierre. Marie-Madeleine, Marie, mère de Joseph, et les autres pieuses galiléennes, étaient assises devant l'ouverture du tombeau, regardant les apprêts funèbres, et considérant la manière dont le corps avait été posé. Elles voulaient, à leur retour en ville, acheter des aromates et des parfums pour continuer l'embaumement du corps. Mais, à cause du sabbat et du repos absolu prescrit pour ce saint jour, elles restèrent tout le jour sans rien faire. De même que le sabbat commençait, suivant notre manière de diviser le temps, le vendredi soir à la chute du jour, lorsque la nuit était assez obscure pour qu'on distingue aisément les étoiles au ciel, ainsi, le lendemain, il finissait à la même heure. Cependant, le jour même de la Pâque et du grand sabbat, les princes des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate, et lui dirent, « Seigneur, nous nous sommes souvenus que ce séducteur, lorsqu'il était encore vivant, a dit, « Je ressusciterai après 3 jours. » Commandez donc de garder le sépulcre jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent en cachette dérober le corps, et ne fasse à croire au peuple qu'il est ressuscité, car alors cette dernière erreur serait pire que la première. Les ennemis de Jésus trahissaient ici leur mauvaise foi. Ils l'avaient accusé de vouloir détruire le temple de Dieu. Maintenant ils avouent qu'il faisait allusion à sa résurrection, qui aurait lieu 3 jours après sa mort. Pilate n'ignorait aucun des mobiles de leur indigne conduite. Il comprit sans peine la contradiction dans laquelle il tombait en ce moment. Aussi leur répondit-il de mauvaise humeur, « Vous avez des gardes à vous ? Établissez les gardiens du tombeau comme vous l'entendrez. » Les députés du grand conseil s'en allèrent sur le champ exécuter leur dessein. Ils mirent des gardes à l'entrée du sépulcre, et scellèrent la pierre qui fermait la tombe. Markemdanarchive.org, d'après booksgoogle.fr. Tourmam et compagnie, 1862. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.